fait trop, je vois des gars plein de genoux. Comme le diable de Tasmanie, tu prends les tasses et tu tournes. Je graille une frite entre deux gros, puis je gratte une slim à deux petites go, puis elle graillera ma bite quand on sera posé au délo. J'aime pas l'alcool, je préfère fumer. Prête-moi ta go, je vais la ramener, je vais la plier, je vais la terminer. Ensuite, je craque un petit devant la cheminée. Avec Lyonzon à la plage, avec Lyonzon dans le sud. T'as déjà sorti ton premier scud. Tu remplis pas une salle sur Instagram, tu fais de la pub. Nous on remplit vraiment les tribunes. On remplit vraiment les tribunes. Et c'est bénef quand y'a des petites brunes. J'finis mon terre, j'suis sur la lune. J'veux pas parler longtemps. On débarque, ils sont contents. J'suis le plug, j'ai bon plan. Les bons filons, j'les vois faire, ils sont mignons. 7 à 8, t'auras pas le million. J'suis à Nice, j'suis à Lyon. Vers la tour Crayon, elle est cambrée. Dans la brechante. Avoue que t'es monté parce que tu sais que je chante. L'inéline dans ma coupe, trop foncé de faire la course. Les Yankees sont à court, donc je rapplique de suite. Les Canadiennes hostiles, le contrôle sur le profil. J'suis chaud pour ton plan, que si j'vois du profit. Les Canadiennes hostiles, le contrôle sur le profil. J'suis chaud pour ton plan, que si j'vois du profit. On sait pas avant, toute ma team là, c'est pour un tour. Elle met toutes sortes de choses sur son corps. Encore une fois, je suis paré à la pelle. On peut poser bien, même juste avec de la réverb. Toi, t'es dans la réserve. Tu veux comparer les gens, et ça m'énerve. C'est facile, j'envoie le gun, docile. On est plein sur le coup, bête sur fusil. Vif, gars, t'écoutes déjà de nos freestyle. J'ai de la ligne du cristal. Qu'elle m'adore, je la fais rire. Mets des jolies dans mon cœur. Mets du Seven Cherry. Raconte-toi ta life et dire la mienne. Les allumés comme ça la mèche. Père bataille mais pas la guerre. Plus des frics ton seul affaire. Plus t'es tu n'en peux pas faire. Me sers un verre mais fais la verre. Nous c'est les vrais, toi c'est l'inverse hein. J'y sers pas comme médecin. Je me fais rare comme mec bien. Négro les tiens des comédiens. Oh j'ai des lois comme un sicilien. Confonds pas mes blancs avec Cyprien. C'est petit ça, t'es misérable. Je te calcule pas de toute façon. 91 sur le blason mec. En applaudissant dans la maisonnée. Non, faut pas me raisonner. Je suis un phénomène, je l'ai. J'irai sur vos murs. Ah, yeah. Faut pas me raisonner. Je suis un phénomène, je l'ai. J'irai sur vos murs. Ah, yeah. Je mets de la vodka dans mon revêt de codé. Dans ma tête, c'est la guerre, ouais, c'est trop la cité. Tu fumes un patin, je l'ai pas décidé. Je suis là où tu pourras jamais accéder. Quand j'ai plus le temps d'en appeler au CLR. Libérer le sang, ouais, le pote c'est l'eau. Quand j'envoie la frappe, les clés sont receveurs. Pour les gagnants, y'a des kills, y'a des lots. Beaucoup parlent de monnaie, mais combien savent la faire. Si tu viens dans le temps neuf, faudra pas faire la fiotte. On t'envoie petit capri, t'inquiète, ça fera l'affaire. Si t'attends ta cousine avec nous, fais la folle.